Psaume 128. Cantique de Mahalot. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel, et marche dans ses voies. Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux, et tu prospéreras. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne abondante en fruits, et tes enfants seront autour de ta table comme des plantes d'olivier. Voici, certainement ainsi sera béni le personnage qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras des enfants à tes enfants. La paix sera sur Israël.